ses mesures contre ses attaques. Ébranlé par ses attaques et persuadé, comme il le disait souvent, qu'il serait plus difficile, quand l'État l'aurait pour chef, de le faire descendre du premier rang au second, que du second jusqu'au dernier, il résista de tout son pouvoir à Marcellus, et lui opposa tantôt le veto des tribuns, tantôt l'intervention de Servius Sulpicius, l'autre consul. L'année suivante encore, comme Gaius Marcellus, qui avait succédé dans le consulat à son cousin Germain Marcus, suivait le même plan que lui, César s'assura au prix d'immenses largesses le concours de son collègue Paul Émile et de Gaius Curion, le plus violent des tribuns. Mais rencontrant partout une résistance obstinée, et voyant que les consuls désignés étaient aussi contre lui, il écrivit au Sénat pour le conjurer de ne pas lui enlever une faveur accordée par le peuple, ou du moins d'ordonner que les autres généraux quittassent aussi leurs armées. Il se flattait, à ce que l'on croit, de rassembler ses vétérans, dès qu'il le voudrait, plus aisément que Pompée ne réunirait de nouveaux soldats. Il offrit néanmoins à ses adversaires de renvoyer 8 légions, de quitter la Gaule transalpine, et de garder la Cisalpine avec 2 légions, ou même l'Illyrie avec 1 seule, jusqu'à ce qu'il fût créé consul.